إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 17 dans l'annonce du frère du centre Furqan. Il avait mentionné que c'était le cours 13, sauf que lorsque je suis retourné vérifier, eh bien on était arrivé au cours 16. On avait fait jusqu'au cours 16. Donc le cours qu'on va faire aujourd'hui, inchallah, c'est le cours 17. Et dans la série donc de cours qu'on fait sur la position du musulman, du muslim face à la fitna, qui est tirée du livre du Cheikh Mohamed Al-Aqil, on est arrivé donc au livre, dans le livre à la page 132. Sauf que il y a un petit changement qu'on va faire dans le programme, inshallah. On est dans la deuxième partie du livre qui s'intitule la position légale du musulman face aux fitan et ses effets sur les individus et sur la umma en général. La première partie de cette section dans le livre, c'était au sujet des preuves de la position légale du musulman ou la position de la sharia vis-à-vis des fitan dans les preuves du Coran et de la sunna. On a mentionné 5 points: l'obligation de vérifier et de clarifier lorsqu'il y a une période de fitna. Le deuxième point, c'était de s'accrocher avec la jama'a, de rester avec la jama'a et avec leur imam. Le troisième point, c'était de ne pas rentrer dans les questions de fitan et de ne pas s'en mêler, excepté avec une science qui est exacte et correcte. Le point numéro 4, c'était d'abandonner le combat durant la période de fitna. Et le point numéro 5, c'était de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de se réfugier en Allah durant les périodes de fitna. Donc ça, c'est les points qu'on a expliqués dans cette partie. Puis là, on a commencé à expliquer par la suite différentes positions des salafs par rapport au fitan. Différentes positions des salafs par rapport au fitan. Puis on a parlé en particulier de la position d'Abu Bakr et de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma le jour de Al-Hudaybiyah. Et donc on va maintenant faire la suite. Sauf que la suite de ce passage-là, c'était maintenant de parler de la bay'a d'Abu Bakr radiallahu anhu, puis d'expliquer tout ce qui a rapport avec ça, puis ensuite d'expliquer qu'est-ce qui a rapport avec la bay'a d'Othman ibn Affan radiallahu anhu. La bay'a d'Othman ibn Affan radiallahu anhu, puis ensuite de parler de la position de Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Parce qu'on sait que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu diverses fitan. Donc on va passer par-dessus cette période puisqu'on en a déjà parlé dans des cours différents, Et l'explication du cheikh ici, c'est, il me ramène beaucoup de citations, beaucoup de paroles à ce sujet-là, c'est très intéressant, sauf que, Inch'Allah, c'est une période qui est assez compliquée, je pense qu'on va passer par-dessus, et Inch'Allah, revenez, on arrive directement à la position de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Donc le cours 17 aujourd'hui, Inch'Allah, on commence au point dans les différentes positions qui sont mentionnées, al-mawqifu sabi', c'est-à-dire la septième position, c'est-à-dire la position, l'exemple numéro 7, c'est la position de Abdullah, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma. Donc on va commencer par ici, puis on va aller jusqu'à la suite, jusqu'à la fin des exemples qui sont mentionnés. Les exemples qui viendront par la suite, c'est la position de l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Mais avant ça, il y a également la position de l'imam Ahmad Ibn Hanbal. Et après c'est Ibn Taymiyyah. Et après, c'est la position de Cheikh al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Donc on va voir ces points-là, inshallah, dans les cours suivants, bi'idhnillah. Donc الموقف السابع موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احد علماء الصحابه رضي الله عنهم وكان مع صغر سنه بالنسبه لكبار الصحابه من اهل الراي والمشوره عندهم ولذلك جعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستشارا لستة الذين جعل الخلافة فيهم لما تعن. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique maintenant? Il explique que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma était un parmi les savants des sahaba, malgré son jeune âge par rapport aux grands sahaba, aux sahaba qui étaient plus âgés, hein, parmi les hommes qui avaient des opinions droite et qui était reconnu dans les conseils et dans les consultations qu'on retournait vers eux. Donc Abdullah ibn Umar faisait partie des jeunes sahaba, très jeunes, et malgré son jeune âge, il avait donc lui aussi ses opinions qui étaient droites, et on le consultait dans les questions difficiles et compliquées pour avoir son conseil et son point de vue. Et c'est pour cette raison-là que son père, Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il était khalifa, et à la fin lorsqu'il a été poignardé par Abu Lu'lu'a al-Majusi, avant de mourir, il a désigné donc 6 personnes, et il a mentionné que le khilafa devait être choisi parmi 6 de ces personnes-là. Et qui est-ce qu'il a placé comme conseiller dans la question du khilafa? Il a placé son fils dans cette question-là, c'est-à-dire que c'est son fils qui était là comme superviseur puis conseiller en même temps, sauf que lui, il n'avait aucun droit au khilafa. Son père avait spécifié que lui, il n'avait rien à faire avec la question du khilafa. Il devait seulement superviser et conseiller. Ensuite, le cheikh, il dit, وكان رضي الله عنه من أكثر الصحابة حرصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأنه وأحواله حتى في الأمور العادية، ولذلك اشتهر بين الصحابة بهذا، وقد عاصر رضي الله عنه ظهور الفتن، وقد رأى كيف عاجلها كبار الصحابة، كيف عالجها كبار الصحابة، وكيف قضوا عليها في مهدها، فرأى كيف قضى أبو بكر رضي الله عنه على المرتدين، وكيف صنع عمر بالخلافة لما تعن، ورأى الأحداث التي جرت على عثمان رضي الله عنه، وكيف صبر عليها، وفدى الأمة بنفسه صابرا محتسبا مؤثرا السلامة أو مؤثرا سلامة الأمة على سلامته. Donc le cheikh, il explique que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, il faisait partie des sahaba qui avaient le plus grand qui faisait partie des sahaba qui faisaient le plus d'efforts pour suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses affaires et dans toutes ses situations. même dans les choses ordinaires de la vie, dans les choses qui ne sont pas nécessairement des adorations, lui, Abdullah ibn Umar, il faisait beaucoup d'efforts pour suivre chaque exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison-là qu'il a été, il est devenu comme célèbre parmi les sahaba comme ayant cette caractéristique-là. Hein, il est devenu célèbre parmi les sahaba pour cette caractéristique. Et lorsque on prend en considération, comme le cheikh le mentionne, que Abdullah ibn Umar, étant donné qu'il était parmi les très jeunes sahaba, il a traversé beaucoup de fitnes. Il a traversé beaucoup de périodes de fitna. Il a vu comment les grands parmi les sahaba ont géré et ont remédié à ces différentes situations de fitna. Et comment ils ont été capables de la tuer directement dans son berceau. Donc il a vu par exemple comment Abu Bakr, radiallahu anhu, comment il a réglé la question des murtaddin à son époque. Et il a vu également comment Omar ibn al-Khattab a géré la question du khilafa lorsqu'il avait été blessé à son époque. Et il a vu également les événements qui se sont produits à l'époque de Uthman ibn Affan radiallahu anhuma, lorsque les Khawarij l'ont encerclé, encerclé sa maison et qu'ils ont voulu le tuer et qu'ils l'ont tué finalement par la suite radiallahu anhu. Et comment Othman radiallahu anhu a été patient et endurant et qu'il a préféré se sacrifier sa propre personne en faisant preuve de patience et en cherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a préféré se sacrifier plutôt que de faire subir des épreuves supplémentaires à la Ummah. Donc il a préféré sauver la Ummah plutôt que d'avoir sa propre sécurité à lui et d'être sain et sauf en sa personne. Et c'est pour cette raison-là donc qu'on va mentionner des exemples de la vie de Abdullah ibn Umar et comment il a traversé ces différentes fitnes-là et comment le cheikh nous explique ça. C'est très intéressant, vous allez voir, c'est très bénéfique aussi. Le cheikh il dit وكل هذه الأمور مع ما حفظه من مع ما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن جعلت من موقفه رضي الله عنه موقفا واضحا في الفتن حمى به نفسه وحمى به أهله وولده ومن أطاعه من الناس وحمد موقفه أو حمد موقفه عامة المسلمين بعد الفتنة. Donc le cheikh il dit toutes ces questions, sans oublier également, en plus de toutes ces choses qu'on a mentionnées, ce que Abdullah ibn Umar avait aussi mémorisé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme hadith au sujet des fitnes. Et donc tout ce qu'on a mentionné et en plus les hadiths qu'il a mémorisé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, on fait de sa position une position très claire dans les questions de fitna. Et ça a fait en sorte donc qu'il a pu se préserver lui-même et préserver sa famille et ses enfants et tous ceux qui l'ont suivi et qui ont obéi à son qui ont suivi son exemple parmi les gens. Et donc les gens après la fitna, les musulmans en général, après que la fitna a été terminée, ils ont fait les éloges de sa position et ils ont mentionné que c'était une position qui était correct, que c'était la position correcte. Le cheikh il dit فأول ما ظهر من حكمته رضي الله عنه في هذا الباب رضاه بما عزم عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة رضي الله عنهم وجعل ابن عمر وجعل ابن عمر منهم كالمستشار لهم وليس له من الأمر شيء فرضي رضي الله عنه بذلك ولم يرفع للخلافة رأسا ولم يعتب على أبيه منعه الخلافة وهذا موقف يدل على إيمانه وصدقه في طاعة الله ورسوله وبعده عن حظوظ النفس. Donc le cheikh il dit que la première chose qu'on peut mentionner et qui indique et qui montre la sagesse de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu dans la question des fitnes, c'est le fait qu'il a été satisfait de ce que le prince des croyants Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu a choisi et a pris comme décision ferme de mettre la question de, du khilafa comme une question de consultation entre six d'entre les sahaba, et il a placé son fils Ibn Abdullah Ibn Omar parmi eux comme conseiller pour eux, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc lui, il n'avait aucune affaire à, il n'avait aucune place ou aucun droit au khilafa, c'était juste pour surveiller et conseiller. Et il a été satisfait de ça, radiallahu anhu. Il a été satisfait de ça et il ne s'est pas mis donc à demander une place pour le khilafa. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit de ça et il n'a pas non plus blâmé son père de l'avoir empêché d'avoir une position de, dans le khilafa ou quelque chose de ce genre. Et ça, c'est une position de la part d'Abdullah ibn Omar qui indique, sa foi et sa sincérité dans l'obéissance d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il était très loin de tous les désirs et de toutes les tentations qui pouvaient exister parmi les désirs de l'âme qui sont cachés parfois. Donc lui, il n'avait aucun désir en lui-même d'accéder au khilafa ou d'avoir le pouvoir. Le cheikh dit ensuite: ولما حصر عثمان رضي الله عنه بادر الى نصرته بنفسه ودخل الدار معه من نفر معهم نفر من الصحابه منهم الحسن بن علي رضي الله عنه كما تقدم معنا في موقف الحسن رضي الله عنه. Donc il dit que ensuite lorsque Othman رضي الله عنه a été encerclé, il s'est précipité pour venir à la défense ou venir au secours lui-même. Il est venu au secours de Othman et il est rentré dans la maison de Othman radiallahu anhu avec un groupe d'entre les sahaba. Parmi eux, il y avait Al-Hassan ibn Ali radiallahu anhu, et donc il est rentré dans la maison lui-même pour parler avec Othman ibn Affan et pour lui dire qu'il était prêt à le supporter. Donc ça, c'est un autre exemple que le cheikh mentionne. Il dit: وأما عبد الله بن عمر فقد قال نافع لبس ابن عمر الدرع يوم الدار مرتين فأتى عثمان فقال صحبت رسول الله فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت له حق الرسالة وحق النبوة وصحبت أبا بكر فعرفت له حق الولاية وصحبت عمر فكنت أعرف له حق الوالد وحق الولاية وأنا أعرف لك مثل ذلك. فقال له عثمان جزاكم الله خيرا من أهل البيت اقعد في بيتك حتى يأتيك أمري. Donc c'est rapporté dans le livre d'Ibn Asakir dans la biographie de Uthman ibn Affan. À la page 399, il dit que Abdullah ibn Omar a dit, et ça c'est rapporté selon Nafi', que Abdullah ibn Omar il a mis son bouclier le jour où Othman avait été encerclé, et il l'a mis donc deux fois, et il est parti voir Othman, et il a dit à Othman: j'ai été le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai connu pour lui le droit qu'il avait sur moi par rapport au message et à la prophétie. Et j'ai été compagnon de Abu Bakr, et j'ai connu le droit qu'il avait sur moi du fait qu'il était le dirigeant, haqq al-walaya. Et j'ai été le compagnon également de Omar ibn Khattab, et je lui ai reconnu le droit qu'il avait sur moi en tant que père et en tant que dirigeant et chef. Et je te reconnais les mêmes droits que lui. Alors Othman radiallahu anhu lui a dit: que Allah te récompense en bien, en voulant dire vous faites partie de la maison, des gens de la maison, des gens de la famille. Il a dit ensuite: reste assis chez toi jusqu'à ce que mon ordre te vienne. Et ensuite il dit: وعنه أيضا قال دخل ابن عمر على عثمان وعنده المغيرة ابن الأخنس فقال انظر ما يقول هؤلاء يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك فقال ابن عمر إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا قال لا قال فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك قال لا قال فهل يملكون لك جنة أو نارا جنة أو نارا قال لا قال فلا أرى لك أن تخلع قميصا قمسكه الله فتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه. Donc ici c'est une autre narration qui est rapportée par Ibn Asakir également dans la biographie de Othman Ibn Affan à la page 359. Il dit également que Ibn Umar est rentré dans la maison de Othman et il a trouvé auprès de lui Al-Mughira Ibn Al-Akhnas. Alors il a dit: as-tu vu ce que ces gens-là disent? Ils me disent retire-la, c'est-à-dire enlève-toi du khilafa, c'est-à-dire délaisse le khilafa, retire le vêtement du khilafa et ne te laisse pas tuer, ne te fais pas tuer à cause du khilafa, c'est-à-dire descends de ta position de khalifa, hein, laisse-la. Alors Ibn Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: et si tu l'enlèves, est-ce que tu vas être éternel dans cette dunya par la suite? Il a dit non. Et si tu ne l'enlèves pas, est-ce qu'ils vont faire autre chose? Est-ce qu'ils pourront faire plus que de te tuer? Othman a répondu non. Alors il a dit: et est-ce qu'ils possèdent pour toi le paradis ou l'enfer? C'est-à-dire c'est eux qui vont décider si tu vas rentrer au paradis ou en enfer. Il a répondu non. Alors Abdullah ibn Omar a dit: alors je ne vois pas que tu devrais l'enlever, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donné cette position. Alors si tu l'enlèves, c'est quelque chose qui va devenir une pratique habituelle par la suite. Chaque fois que les gens vont détester quelque chose de leur khalifa ou de leur dirigeant, eh bien ils vont le tuer, hein? Donc il l'a conseillé de rester sur sa position. لشيخ زفا هذا الموقف العظيم من عمر بن من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أشد الأوقات وعدم تهاونه في أمر الخلافة والإمامة ووقوفه في وجه هؤلاء الخارجين وعدم إعطائهم ما يريدون يدل على قوة الإيمان وأن النجاة في وقت الرخاء والشدة إنما تكون بالتمسك بالكتاب والسنة وإن كان يخالف مراد الإنسان وظنه. Donc le cheikh il dit que ça c'est une position très grande de la part de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu dans les moments les plus difficiles, et qu'il n'a pas fait preuve de négligence envers la question du khilafa et de la dirigeance, et qu'il est resté ferme devant ceux qui sont sortis contre Othman, hein, parmi les Khawarij, et qu'il ne leur a pas donné ce qu'il voulait. Et donc ça c'est quelque chose qui indique la force de sa foi. Et il a fait comprendre également que le salut dans les moments de difficulté comme dans les moments d'aisance se trouve uniquement dans le fait de s'accrocher au Coran et de s'accrocher à la Sunna, même si cela vient en contradiction avec ce que veulent les gens et avec ce qu'ils s'imaginent ou ce qu'ils pensent. ولما قتل عثمان رضي الله عنه وقامت الفتنة اعتزل رضي الله عنه أمر الناس ولم يكن في جيش أحد من المتقاتلين بل خرج من المدينة إلى مكة فارا بدينه وكان يده ولسانه كافا يده ولسانه عن المسلمين آخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتزال وقت الفتن. Le cheikh il dit que lorsque Othman ibn Affan radiallahu anhu a été tué, assassiné, et que la fitna a commencé à sortir, alors qu'est-ce qu'il a fait Abdullah ibn Omar? Il s'est retiré, il s'est éloigné des gens, il s'est écarté des gens, et il ne faisait pas partie d'aucune des armées des gens qui sont sortis par la suite. il s'est enfui, lui ainsi que sa famille, hein, pour préserver sa langue et sa main et sa langue des musulmans, et pour s'enfuir avec sa religion vers Mecca. Il a quitté Al-Madinah pour aller vers Mecca. Et il a pris donc l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de s'écarter dans les moments des fitanes. Alors il dit ensuite le cheikh, « وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُبَيِّنُ سَبَبِ اَعْتِزَالِهِ النَّاسِ فَيَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُنَا فِي هَذِهِ الْفِتْنَةِ كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا يَسِيرُونَ عَلَى جَادَةٍ يَعْرِفُونَهَا. » Donc on a expliqué qu'après la mort de Othman radiallahu anhu, Abdullah ibn Omar, lorsque la fitna a débuté, il a quitté la ville de Médine, lui ainsi que sa famille, et puis il est parti vers Mecca, hein, pour se préserver lui-même, pour préserver sa main et sa langue contre les musulmans. Donc il est parti et il s'est écarté de la fitna. Le cheikh محمد العقيل الزي وكان رضي الله عنه يبين سبب اعتزاله الناس فيقول إنما مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفونها فبينهم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة فأخذ بعضهم يمينا وبعضهم شمالا فأخطأ الطريق فأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جرى الله ذلك عنا حتى أبصرنا الطريق الأول فعرفناه فأخذنا فيه إنما هؤلاء فتيان قريش يقتتلون على هذا السلطان وعلى هذه الدنيا والله ما أبالي أن لا يكون لي ما يقتل فيه بعضهم بعضا بنعليهاتين الجرداوين. Donc ça c'est une parole qui est rapportée par Ibn Sa'd dans At-Tabaqat et par Abu Na'im dans Al-Hilya. Abu Na'im dans Al-Hilya, il dit que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, il a expliqué pourquoi il s'était écarté des gens, et il a expliqué ça en disant que l'exemple de cette fitna dans laquelle on est, dans laquelle on était et qu'on a traversé, c'est comme l'exemple des gens qui sont en train de marcher sur un chemin qu'ils connaissent. Alors qu'ils sont sur donc ce chemin, il y a de la brume et des nuages qui descendent. Alors chacun commence à prendre à gauche et à droite, et il se trompe de chemin par la suite. Alors nous, on est resté là où on était, on n'a pas bougé, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié la situation, il a fait se dissiper les nuages et la brume. Et là, on était jusqu'à ce qu'on soit capable de voir le premier chemin sur lequel on était et qu'on le reconnaisse, et par la suite donc on l'a pris. Donc Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il est en train de comparer l'état de la fitna sur laquelle ils ont traversé, donc il la compare à cette brume qui est venue, qui leur empêche de voir clairement le chemin. Donc lui, il a préféré rester sans bouger et attendre que la brume se dissipe. Tandis que d'autres ont continué à marcher et ils sont partis à droite, et d'autres sont partis à gauche, hein, ils se sont trompés de chemin. Et donc, ça c'est l'exemple que Abdullah ibn Omar donne pour dire qu'il faut rester toujours sur le droit chemin, et si on n'est pas capable de distinguer le droit chemin, alors dans ce cas-là, on est mieux de s'écarter et de rester à l'écart de cette fitna. Et il a dit par la suite que ce ne sont que des jeunes de Quraysh qui se battent pour le pouvoir ou pour la dunya, et il dit, moi, en ce qui me concerne, les choses pour lesquelles ils sont en train de se combattre n'a pas plus de valeur que mes deux sandales que je porte. Donc pour lui, ça n'avait aucune valeur tout ça. Après il dit, walizalika أبى أن يدخل في هذا الأمر منذ وقوعه لأول وهلة حين قتل عثمان رضي الله عنه فقد جاءوا إليه وقالوا إنك سيد الناس وابن سيد فاخرج نبايع لك الناس قال إني والله لئن استطعت أن لا يهرق بسببي محجمة من دم فقالوا لتخرجن أو لنقتلنك على فراشك فقال لهم مثل قوله الأول فقال الحسن فأطعموه وخوفوه فما استقبلوا منه شيئا حتى لحق الله حتى لحق بالله وهكذا حفظ رضي الله عنه دينه ونفسه من هذه الفتن وما أعان على قتل مسلم فإذا اجتمعوا اجتمع معهم وبايع من ارتضوه وإذا تفرقوا اعتزلهم حتى يعودوا. Donc le cheikh il dit que lorsque c'est la même chose lorsqu'il a refusé de rentrer dans cette affaire depuis le début de la fitna lorsque Uthman a été tué. Et par la suite, ils sont venus le voir et ils lui ont dit, toi tu es un des maîtres parmi les hommes et tu es le fils d'un des maîtres, en parlant de son père, Omar ibn al-Khattab. Donc tu es un d'entre les plus, les meilleurs hommes d'entre nous. Alors, viens pour que nous te donnions l'allégeance, pour que nous te donnions la bay'a et pour que nous appelions les gens à te donner la bay'a aussi. Et il refusait, Ibn Omar il refusait, il ne voulait rien savoir du khilafa ou bien de la bay'a. Et il disait, je jure par Allah que si je suis capable de tout faire pour éviter que même la plus petite quantité de sang des musulmans soit versée, alors je vais faire mon effort pour ça. Donc, eux ils ont tout fait pour essayer de le forcer à prendre cette position. Ils l'ont menacé aussi, ils lui ont dit, soit tu sors ou bien on va te tuer. On va te tuer dans ton lit. Et il leur a répondu la même chose que la première fois. Il dit, je vais tout faire pour éviter que le sang des musulmans soit versé à cause de moi. Et Al-Hassan, il a dit par la suite qu'ils l'ont nourri, mais ils ont essayé de lui faire peur en lui faisant des menaces, mais ils n'ont trouvé de sa part rien d'autre que ce refus jusqu'à ce qu'il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire lorsqu'il est mort, jusqu'à sa mort. Il est resté sur cette position. Ça c'est rapporté dans les At-Tabaqat de Ibn Sa'd, le volume 4 à la page 151. Il dit le cheikh ensuite que c'est ainsi que Abdullah ibn Omar radiallahu anhu a préservé sa religion et il a préservé sa personne également contre ce genre de fitan. Il n'a pas voulu aider quiconque dans le fait qu'un musulman soit tué. Et lorsqu'ils se réunissaient autour de quelqu'un et qu'ils étaient tous satisfaits de lui et qu'il lui avait donné l'allégeance et la bay'a, alors ils se rassemblaient avec eux. Mais lorsqu'ils étaient divisés et qu'ils se divisaient à cause du pouvoir, alors dans ce cas-là, ils se divisaient jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'union ou à l'unité dans laquelle ils étaient auparavant et qu'ils soient satisfaits d'une personne pour qu'ils lui donnent la bay'a. Alors dans ce cas-là, ils revenaient avec eux. Et il dit, le cheikh il dit, ولذلك لما اجتمع الناس على إمامة معاوية رضي الله عنه عام الجماعة بايعه وارتضى خلافته ودخل في جماعة المسلمين ظاهرا وباطنا. Donc il dit que lorsque lorsque les gens se sont mis d'accord pour que Muawiya رضي الله عنه soit le khalifa l'année de la réunification, comme on l'appelle, Amul Jama'a, lorsque Al-Hassan, le fils de Ali radiallahu anhu, a lui-même décidé de remettre le khilafa à Muawiya pour faire cesser la fitna, alors lorsqu'il a vu que les gens ont donné la bay'a à Muawiya et que les gens étaient satisfaits de son khilafa, alors lui-même, il est rentré dans la Jama'a des musulmans aussi, en apparence et intérieurement, et il a donné la bay'a, et il a été satisfait lui aussi de Muawiya radiallahu anhu. Et le cheikh dit ensuite, وَلَمَّا مَاتَ مُعَوِيَا رَضِيَ anhu وَأَوْصَى بِالْخِلَافَةِ لِبْنِهِ يَزِيدِ وَبَايَعَ النَّاسِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْمُبَيِّعِينَ لِيَزِيدِ حِرْصًا مِنْهُ عَلَى سَلَامَةِ الْأُمَّةِ وحفاظا على جماعتها وكان بيعته ليزيد صادقا بارا حافظا لعهده في السر والعلن آمرا أهله ومن أطاعه بذلك محذرا لهم عن خلاف ذلك ولذلك لما سمع بعض الناس يقع في يزيد نهاهم عن ذلك وتعجب منهم فقالوا إن ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال كنا نعدها نفاقا. Donc ici le cheikh dit lorsque Muawiya radiallahu anhu est mort, alors Muawiya radiallahu anhu avant de mourir il avait enjoint ou il avait conseillé que son fils soit il avait demandé que son fils soit pris comme khalifa après lui, Yazid. Alors, les gens lui ont donné la bay'a, ont donné la bay'a à Yazid, le fils de Muawiyah. Et Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, faisait partie de ceux qui lui ont donné la bay'a. Et il a fait ça dans le but d'épargner la Ummah de tout problème et de toute fitna, pour que la Ummah reste préservée, hein, et pour préserver l'unité des musulmans également. Alors, il a donné sa bay'a, il a donné l'allégeance à Yazid, avec sincérité et avec bonté, et il a préservé son allégeance et son pacte et son entente en secret et ouvertement. Et il ordonnait également à sa famille et à ceux qui étaient avec lui et qui l'obéissaient de respecter également cette entente, hein, et cette bay'a qu'il a pris. Et il mettait en garde contre ceux qui venaient en contradiction avec cela. Et lorsqu'il a entendu certaines personnes qui commençaient à critiquer Yazid, il leur a interdit de faire cela et il s'est étonné de leur agissement. Les gens ont dit, nous rentrons chez nos dirigeants ou bien chez nos chefs et nous disons devant eux ou en leur présence des paroles et lorsque nous sortons, nous disons d'autres paroles, des paroles différentes que ce que nous disons lorsque nous sommes en leur présence. Et qu'est-ce qu'il a répondu Abdullah ibn Omar à ce moment-là? Il a répondu, il a dit, nous considérions cela comme étant de l'hypocrisie auparavant. Donc pour eux, hein, pour Abdullah ibn Omar et les Sahaba, ça c'est considéré comme de l'hypocrisie. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih et dans Fath al-Bari, c'est le volume 13 à la page 170. Donc le cheikh il dit وهذا دليل على أن البيعة للإمام تستلزم ذكره بخير في السر والعلن والدعاء له بالصلاح في حضرته وفي غيابه وأن خلاف ذلك من النفاق والعياذ بالله فتدبر هذا فإنه باب نافع حافظ عاصم من الفتن. Donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve que la bay'a, lorsqu'on la donne à un imam ou à un dirigeant, eh bien ça implique qu'on ne doit le mentionner que par le bien, que ce soit en secret ou que ce soit ouvertement, et qu'on doit faire des du'as pour lui, pour qu'il soit meilleur et pour qu'il s'améliore toujours, en sa présence et en cachette également, ou en son absence. C'est-à-dire on doit toujours faire des du'as pour lui, que ce soit devant lui ou en son absence. Et que d'agir autrement que cela, c'est de l'hypocrisie, que Allah nous en préserve. Et réfléchis bien donc sur cet exemple de Abdullah ibn Omar, et on voit que c'est quelque chose qui est très bénéfique et qui nous préserve de toutes les formes de fitan. Ensuite, le Cheikh il dit وسبب نهي عبد الله بن عمر الناس عن الكلام في السلطان أن ذلك والله أعلم يؤدي إلى إهانة السلطان وإضعاف هيبته في النفوس فيتجرأ الناس على أمر عظيم قامت بسببه فتنة عظيمة سالت فيها دماء المسلمين في المدينة النبوية ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc, le cheikh, il dit que la cause de l'interdiction d'Abdullah ibn Omar, hein, lorsqu'il leur a interdit de parler contre le dirigeant, c'est parce que, et Allah sait mieux, c'est parce que cela amène à dénigrer le dirigeant et à affaiblir le respect qu'il a dans le cœur des gens. Donc, lorsque les gens prennent l'habitude de parler contre lui et commencent à le critiquer, eh bien, ça c'est quelque chose de très grave. Et il y a de grandes fitnas qui se sont établies à cause de ça, justement. Et le sang des musulmans à Médine ont coulé, justement, à cause de ça, à l'époque de Othman ibn Affan, radiallahu anhu. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد بادر عبد الله بن عمر رضي الله عنه منذ بداية الفتنة إلى محاولة حلها، وذلك بنصيحة رؤوس القوم والذهاب إليهم في بيوتهم وتذكيرهم بالنصوص الشرعية لعلهم أن يراجعوا أنفسهم. Il dit que Abdullah ibn Omar également, depuis le début de la fitna, il a essayé de régler le problème et d'arrêter la fitna en donnant la nasiha aux gens qui sont responsables parmi les gens, aux gens haut placés parmi les gens, les chefs des différentes tribus et des différentes familles. Il allait jusqu'à chez eux, il rentrait dans leur maison et il leur faisait le rappel des textes de la charia pour essayer de les faire revenir à eux-mêmes pour qu'ils puissent prendre une bonne position. Alors il dit, قال نافع, Cheikh il dit, قال نافع جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة حينما كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتيك لأجلس آتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. Donc le cheikh il dit que Nafi' a rapporté qu'Abdullah ibn Omar radiallahu anhu est allé vers Abdullah ibn Muti' lorsqu'il y a eu l'événement qui s'est passé dans Al-Harra. Hein, il y a eu une fitna à l'époque dans Al-Harra. Al-Harra c'est un endroit près de Médine, hein, des endroits qui entourent Médine avec des roches qu'on appelle Al-Harra parce que c'est des roches noires volcaniques qui recouvrent la place, qui recouvraient la place. Il y en a beaucoup qui sont enlevés. Bon, c'était à l'époque de Yazid ibn Muawiyah, il y a eu une fitna à l'époque. Alors, il voulait aller voir donc certaines personnes, Abdullah ibn Omar allait voir certaines personnes pour leur mentionner les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent au sujet du fait de retirer sa main de l'allégeance qu'on a donnée. Alors, lorsqu'il est rentré, ils ont dit, donnez un coussin ou bien donner quelque chose pour que Abu Abdurrahman s'assoie. Et il a répondu en disant, je ne suis pas venu pour m'asseoir, je suis venu pour vous mentionner un hadith que j'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui retire sa main de l'obéissance, c'est-à-dire de l'allégeance qu'il a donnée, hein, d'obéir aux dirigeants, il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il n'ait aucun argument au jour de la résurrection. Et celui qui meurt et qui n'a pas d'allégeance dans son cou, c'est-à-dire qui n'est pas attaché à la bay'a qu'il a prise, eh bien il meurt dans un état qui est semblable à la mort durant la période de la jahiliya. Hein? Et ça c'est rapporté par l'imam muslim. Ça c'est rapporté par l'imam muslim dans son sahih. Le hadith 1851. Donc le cheikh il dit ensuite, فلما لم يقبل الناس نصيحته اعتزلهم ودخل داره وأغلق بابه عليه وعلى من أطاعه من أهله وحذرهم من الدخول في هذه الفتن. Il dit, lorsque les gens n'ont pas accepté sa nasiha, il s'est écarté d'eux. Il est rentré chez lui et il a verrouillé sa porte et barré sa porte. Et ainsi il est resté chez lui donc, ainsi que tous ceux qui sont avec lui de sa famille et de ceux qui lui obéissent. Et il les a mis en garde de ne pas rentrer dans ce genre de fitna. Il dit ensuite, donc, le cheikh, il dit, « قال نافع لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. Donc ça c'est rapporté dans Al-Bukhari, dans son Sahih, le volume 13 à la page 68. Il dit, selon Nafi', que lorsque les gens de Médine ont retiré leurs mains de l'allégeance qu'ils avaient pour Yazid ibn, le fils de Muawiyah, Abdullah ibn Umar a rassemblé ses femmes et ses enfants et il leur a dit, j'ai entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre une bannière pour tous les traîtres qui ont brisé leur allégeance au jour de la résurrection. Donc au jour de la résurrection, il va y avoir une bannière qui va être mise et tous les traîtres vont se rassembler autour de cette bannière. C'est-à-dire ceux qui avaient donné l'allégeance à un dirigeant et qui ont retiré leurs mains de leur allégeance par la suite. Ensuite, qu'est-ce que Ibn Omar a dit ? Il a dit, vous avez donné la bay'a à cet homme et vous avez fait cette bay'a comme étant une bay'a à Allah et à son messager. Et je ne connais pas de trahison plus grande que celui qu'un homme qui a donné sa bay'a, qui a donné son allégeance, comme étant une allégeance à Allah et à son messager, puis qu'ensuite il vienne pour le combattre. Et il dit, je ne connais personne d'entre vous qui a retiré sa main de son allégeance, qui est revenu sur son allégeance et qui est rentré dans cette affaire, excepté que ça a été là, la chose qui est venue trancher entre moi et lui. C'est-à-dire que Abdullah ibn Omar, par la suite, lorsqu'il voit que des gens brisent leur allégeance et coupent leur parole, reviennent sur leur allégeance, eh bien c'est, pour lui, c'est en voulant dire ça y est, c'est fini entre lui et moi, je m'éloigne et je m'écarte. Maintenant de cette personne. Il dit le cheikh قال ابن حجر رحمه الله وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق. Donc ça c'est la parole de Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, le volume 13 à la page 71 et 72. Il dit, rahimahullah, dans ce hadith qu'on vient de lire, il y a la preuve de l'obligation d'obéir au dirigeant auquel on lui a donné la bay'a, et l'interdiction de se rebeller ou de se révolter contre lui, même s'il est injuste dans son jugement et dans son gouvernement, et qu'on ne peut pas le retirer de sa position à cause d'un péché ou à cause des péchés qu'il fait, du fisq. Le cheikh il dit ensuite, وَفِيهِ كَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ غَيْبَةِ الْإِمَامِ وَأَنَّ لِعِرْضِهِ الْحُرْمَ كَبَقِيَةِ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ بَيَانُ خُطُورَةِ الْوُقُوعِ فِي عِرْضِ الْإِمَامِ بِحُجَّةِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ أو نحو ذلك من الحجج الواهية لأن الوقوع في عرض الإمام يؤدي إلى فساد عظيم كما مر في قصة يزيد وهذا الذي أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة وذكروه في عقائدهم. Le Cheikh il dit qu'il y a dans cela la preuve de l'interdiction de parler dans le dos du dirigeant, et que le dirigeant il a droit à son honneur et qu'on respecte son honneur de la même manière que le reste des musulmans. Et il y a également la clarification du danger de rentrer dans l'honneur du dirigeant sous prétexte de vouloir dénoncer ou condamner le mal ou des choses de ce genre en se basant sur des preuves qui sont faibles, qui soient des paroles ou des arguments ou des shubuhat qui sont futiles. Car le fait d'atteindre, de porter atteinte à l'honneur du dirigeant, c'est quelque chose qui amène à un grand désordre. Comme on l'a mentionné dans l'exemple de l'histoire de Yazid. Hein? Et ça, c'est une chose sur laquelle tous les ulama d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a se sont mis d'accord. Et ils l'ont tous mentionné dans leur livre de Aqidah. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة كما لم يأمروا بما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. Donc le cheikh il dit que l'imam al-Tahawi, un des imams parmi les imams des salaf, rahimahullah, il dit dans sa aqidah, l'aqidah al-Tahawiyyah, et nous ne voyons pas la permission de se rebeller et de se révolter contre nos dirigeants et les responsables de nos affaires, même s'ils sont injustes, et nous devons faire des du'as pour eux, et nous ne devons pas retirer notre main de leur obéissance, et nous considérons leur obéissance comme faisant partie de l'obéissance d'Allah, une obligation pour nous, tant qu'ils n'ont pas ordonné de faire un péché. Et nous devons faire des invocations pour eux, pour qu'ils deviennent meilleurs et pour qu'ils soient épargnés de tout mal. Donc ça, c'est un exemple d'une parole qui est dans les livres de Aqidah, comme le livre de l'imam al-Tahawi, et on retrouve cet exemple de parole dans la parole des grands imams de Ahl al-Sunnah, les imams parmi les imams des salaf. Dans tous leurs livres, on retrouve cette parole. Le cheikh il dit وَقَدْ ابْتُلِيَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ في هذا الزمان بهذا الأمر واستهانوا بأعراض الولاة بسبب أو بدون سبب متغافلين عن حرمة هذا الأمر وعن الأمور الخطيرة التي قد يؤدي إليها وقد حذر العلماء في هذا الزمان منه من ذلك ما قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حيث قال إن بعض الناس ديدنه في كل مجلس يجلسه الكلام في ولاة الأمور والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم معرضا بذلك عما لهم من محاسن أو صواب ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض الولاة لا يزيد الأمر إلا شدة فإنه لا يحل مشكلة ولا يرفع مظلمة وإنما يزيد البلاء بلاء ويوجب بعض بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيها. Donc le cheikh il mentionne, il dit que beaucoup de gens ont été éprouvés à notre époque par cette question, par cette affaire, et ils ont pris ça à la légère, l'honneur des dirigeants, ils l'ont pris à la légère pour une raison ou pour une autre, sans prendre en considération ou sans donner d'importance au fait que cette chose est haram, et que c'est une chose qui est dangereuse et qui amène à des conséquences très graves et très dangereuses. Et les ulama de notre époque ont mis en garde contre ce genre de choses. Comme par exemple, qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit dans son livre, ou a mentionné dans un livre, Wujub Da'at al-Sultan, fi ghayri ma'siyat al-Rahman, à la page 23, on retrouve les paroles suivantes. Il dit que certaines personnes ont pris l'habitude dans chaque assise dans laquelle il s'assoit, de parler sur les dirigeants et les responsables, et de s'attaquer à leur honneur, et de propager ces choses-là, les choses qu'ils font comme erreur ou comme mauvaise action, de les propager parmi les gens. Et ils se détournent complètement de mentionner quoi que ce soit de bien ou de bonne chose qu'ils auraient pu faire. Et il n'y a pas de doute que de suivre cette voie, c'est de suivre cette voie et de tomber dans l'attaque de l'honneur des dirigeants, c'est quelque chose qui ne fait qu'ajouter de la difficulté au problème et de rendre le problème plus grave. Hein, ça ne vient pas régler le problème et ça ne vient pas ramener yani la justice à celui qui a subi une injustice. Mais ça ne fait que rajouter du tort et des épreuves et des problèmes aux problèmes qui existent déjà. Et ça amène aussi également les gens à détester leurs responsables et leurs dirigeants et à faire en sorte qu'on ne va pas exécuter leurs ordres dans ce qui est obligatoire pour nous de les obéir. Hein? Ensuite, le cheikh dit, وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله والكلام في ولاة الأمور من الغيبة والنميمة وهما من أشد المحرمات بعد الشرك لا سيما إذا كانت الغيبة للعلماء ولولاة الأمور وهذا أشد لما يترتب عليه من المفاسد من تفريق الكلمة وسوء الظن بولاة الأمور وبعث اليأس في نفوس الناس. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh dans son livre Al-Ajwibatul Mufida an As'ilatul Manahij al-Jadida? Le cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, il dit que de parler au sujet des responsables et des dirigeants fait partie, de parler dans leur dos et de semer ou de répandre des rumeurs à leur sujet fait partie des plus grands péchés parmi les interdictions après le shirk. Et en particulier lorsque cela concerne le fait de parler dans le dos des dirigeants et des ulama. Hein, ça c'est encore plus grave à cause des conséquences qui en découlent et des méfaits qui en découlent du fait que ça ramène à la division de la parole des musulmans et que ça amène à avoir des mauvaises pensées envers les responsables et les dirigeants et ça amène également le désespoir dans les âmes des gens et dans leur cœur. Donc ça c'est la citation de l'imam de Cheikh Al-Fawzan Hafizahullah. فانظر إلى هؤلاء العلماء ما أدق عبارتهم وما أفقههم في دين الله. Regardez comment ces savants sont très précis dans leur expression et comment ils ont un niveau très élevé de compréhension de la religion d'Allah. Cheikh il dit وأما ابن عمر فقد سلم رضي الله عنه من هذه الفتنة بتمسكه بهدي الكتاب والسنة في السر والعلن ولما مات يزيد وخلفه ابنه معاوية لم يلبث طويلا فلما مات ماج الناس بعده وصار في كل بلد طالب للخلافة وتفرق الناس اعتزل ابن عمر الناس وترك بيعتهم طلبا للسلامة لدينه ودمه وعرضه. Donc le cheikh il dit que par la suite Ibn Omar, donc on voit que Ibn Omar il a été épargné de toutes ces fitnes, hein, à cause du fait qu'il s'est accroché à la guidance du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam intérieurement et extérieurement. Et lorsque Yazid est décédé rahimahullah et que son fils Muawiyah l'a succédé, il n'est pas resté longtemps au pouvoir, il est mort. Et les gens ont commencé à sortir par la suite, après sa mort, selon les différents pays, commence à sortir demandant le khilafa, demandant d'être au pouvoir. Et les gens ont commencé à se diviser. Alors, Ibn Omar, il s'est écarté encore une fois des gens. Et il a abandonné le fait de leur donner la bay'a en cherchant donc la sécurité pour sa religion, pour son sang, pour son honneur. Il dit ensuite le cheikh wa fi hadhihi ash-shiddah ataahu Marwan ibn al-Hakam wa qala lahu halumma yadaka nubay'ak fa innaka sayyid al-arab wa ibn sayyidha qala kayfa asna'u bi ahli al-mashriq qala nadribuhum hatta yubay'u قال ما أحب أنها دانت لي 70 سنة وأنه قتل في سبب رجل واحد سبحان الله. Donc ça c'est mentionné dans les tabaqat de l'imam Ibn Sa'd et dans Sir al-A'lam al-Nubala. Il mentionne donc cette parole ici qui dit que lorsque donc les choses sont devenues très graves, Marwan ibn al-Hakam est venu voir Abdullah ibn Omar pour demander de lui donner la bay'a. C'est-à-dire, Marwan ibn al-Hakam demande à Ibn Omar de lui permettre de lui donner la bay'a, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit Ibn Omar qui devienne le khalifa. Il a dit à Abdullah ibn Omar, c'est toi le chef des Arabes et c'est toi le fils de leur chef. Hein, en voulant dire que tu es le meilleur d'entre nous maintenant, on veut te donner la bay'a. Alors, Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec les gens de l'Orient? Il a dit, Marwan ibn al-Hakam a répondu, alors on va les frapper jusqu'à ce qu'ils donnent la bay'a. Alors, Abdullah ibn Omar a répondu, il dit, je ne veux pas, alors que j'ai approché les 70 ans de ma vie, que à cause de moi, un seul musulman soit tué. C'est-à-dire, je ne peux pas. J'aimerais pas que, arriver à cet âge-là maintenant, que, à cause de moi, un seul musulman soit tué. Donc, ça c'est un exemple de la position de Abdullah ibn Omar qui nous montre à quel point il était ferme dans sa position et comment il avait une grande foi et comment il savait comme était grave le fait que le sang des musulmans soit versé. Tandis qu'aujourd'hui, à notre époque, Allah al-Musta'an, il y en a parmi les gens qui ont l'impression, on dirait quand ils parlent, on dirait pour eux que le sang d'un musulman, pas juste d'un musulman, même le sang de centaines de musulmans n'a plus aucune valeur pour eux. Et ils sont prêts à sacrifier des vies de centaines de personnes juste pour arriver à leurs objectifs politiques dans cette dunya. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc on sait que une seule goutte du sang de musulman a plus de valeur que cette terre entière. Donc le shaykh dit wa hakada kullama rufi'at al-fitna aw rafa'at al-fitna ra'saha ilayhi rafa'a fi wajhiha kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alayhi wa sallam fanaja wa taraka an-nas yamujuna fiha. ولما اجتمعت كلمتهم بعده أو بعد هذه الفتنة على عبد الملك بن مروان بادر رضي الله عنه في الدخول في جماعتهم وإعلان البيعة له. Donc le cheikh il dit c'est ainsi que à chaque fois que la fitna levait sa tête, eh bien Abdullah ibn Omar qu'est-ce qu'il faisait? Il lui mettait le livre d'Allah et la sunna de son messager au visage. Et c'est ainsi qu'il a été sauvé de toutes ces fitnes. Parce que chaque fois qu'il y avait une fitna, il ramenait le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les gens ne voulaient pas écouter ce qu'il disait, eh bien il les laissait entrer dans cette vague de fitna. Et lorsque les gens se réunissaient par la suite, après cette division, et comme ils se sont réunis par la suite autour de Abdul Malik ibn Marwan, eh bien, il s'est précipité par la suite pour rentrer dans la jama'a encore une fois et pour donner la bay'a ouvertement. Et il dit, وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارُ لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ ابْنُ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنُ مَرْوَانَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت وإن بني قد أقر بذلك. Donc qu'est-ce qui Abdullah ibn Dinar, le cheikh il dit qu'Abdullah ibn Dinar a mentionné que lorsque les gens ont donné la bay'a à Abdul Malik ibn Marwan, Abdullah ibn Omar a envoyé une lettre à Abdul Malik et il a dit de la part de Abdullah ibn Omar à Abdul Malik, Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, il dit je reconnais et je confirme l'écoute et l'obéissance au serviteur d'Allah, Abdul Malik, le prince des croyants, sur la sunna d'Allah et la sunna de son messager, dans ce que je suis capable, et également que mes fils ont tous, ont tous confirmer cela également. Donc ça c'est pour montrer que Abdullah ibn Omar a donné la bay'a à Abdul Malik ibn Marwan par la suite. Et ça c'est rapporté par dans Al-Bukhari et dans Fath al-Bari, le volume 13 à la page 193. Il dit ensuite wa hakadha iltazama Abdullah ibn Umar wa hakadha iltazama Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi rakha'ihi wa shiddatihi wa fi sirrihi wa alaniyatihi wa hakadha huwa al-mashhur anhu min tamassukihi bihadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فقاده هذا التمسك إلى النجاة والسلامة في دينه وعرضه ودمه ونختم هذا الموقف بكلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Donc il dit c'est ainsi donc que Abdullah ibn Umar ibn Umar ibn al-Khattab رضي الله عنهما يعني c'est ainsi qu'il est resté donc toujours ferme sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam dans les moments d'aisance comme dans les moments de difficulté, et intérieurement, dans son cœur, de même que ouvertement dans sa parole. Et ça, c'est ce qui a été rapporté de façon très célèbre de sa part. Tout le monde est au courant de ça. Et il a toujours donc cherché à s'accrocher à la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela l'a amené donc à rester ferme et à s'accrocher à qu'est-ce qui amène au salut et qu'est-ce qui amène à la préservation et à la sécurité dans sa religion, dans son honneur et dans son sein. Et on conclut donc cette position d'Abdullah ibn Umar avec une parole très yani bénéfique du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah qui dit « Qala rahimahullah fa fil jumla ahlu sunnati yajtahidun fi ta'atillahi wa rasulihi bihasab l'imkan kama qala ta'ala fattaqullaha ma stata'tum » وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويعلمون أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بصلاح العباد في المعايش والمعاد وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفساد فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجح الراجح منهما فإذا كان صلاحه فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit en général les gens d'Ahl al-Sunna ils font les efforts dans l'obéissance d'Allah selon leur capacité. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 16 dans sourate At-Tahabun et craignez Allah le plus que vous pouvez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et lorsque je vous ordonne quelque chose, faites-en ce que vous en êtes capable. » Et ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec tout ce qui amène du bien pour les serviteurs dans leur vie et dans leur au-delà lorsqu'ils seront ressuscités. Et il leur a toujours ordonné ce qui amène le bien et le meilleur, la réforme et qu'est-ce qui est de meilleur pour eux. Et il leur a toujours interdit ce qui est désordre, ce qui amène de la corruption. Et si dans le fait de faire quelque chose, il y a un bien et il y a un désordre en même temps, alors ils donnent la précédence, bien entendu, ils mettent par-dessus qu'est-ce qui amène le bien. Et si le bien est plus dans quelque chose que le mal, alors ils donnent la précédence au fait de faire le bien. Et si dans quelque chose, le mal est plus grand que son bien, alors il donne la précédence au fait de laisser de côté yani, ce qui est dans cette chose. Parce que son mal est plus grand que son bien. Ensuite il dit, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَ بَعَثَ رَسُولَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا فَإِذَا تَوَلَّى خَلِيفَةً من الخلفاء كيزيد وعبد الملك بن مروان والمنصور وغيرهم فإما أن يقال يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف فهذا رأي فاسد فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. Donc le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala donc a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam pour prendre tout ce qui est bien, tout ce qui est bien et tout ce qui vient compléter le bien et les intérêts et les choses bénéfiques. et pour retarder ou pour éloigner ou pour diminuer tout ce qui avait du désordre ou des effets néfastes, hein, tout ce qui contient comme effet néfaste dans les choses de la vie. Et si donc le fait de prendre un khalifa comme Yazid ou bien comme Abdul Malik ou bien comme Al Mansour ou d'autres également, hein, donc si on prend ça, on regarde le fait de choisir un d'entre ceux-là comme khalifa, on a deux choix. Soit qu'on dit il est obligatoire de les empêcher de prendre le pouvoir et qu'il faut les combattre jusqu'à ce qu'on mette quelqu'un d'autre qu'au pouvoir, hein, qui est meilleur. Alors ça, c'est ce que disent les gens qui voient que c'est permis de se révolter et de prendre l'épée contre eux. Et ça, c'est une opinion qui est corrompue, hein. Ra'yun fasid. Il dit parce que le bien, parce que le mal qui est dans ça est plus grand que le bien. Et peu d'entre ceux qui sont sortis et qui se sont révoltés contre un dirigeant qui possédait le pouvoir, hein, peu d'entre eux sont sortis et que ça a ramené un bien. Peu d'entre ceux qui sont sortis contre leurs dirigeants ont ramené du bien, et en général, ça ne fait que ramener un mal plus grand que ce que ça pourrait ramener comme bien. Et il dit وَرَيَتُ هَؤُلَا إِمَّا أَنْ يَغْلِبُوا أَوْ أَنْ يُغْلَبُوا وَإِمَّا أَنْ يُغْلَبُوا ثُمَّ يَزُولُ مُلْكُهُمْ فَلَا يَكُونُ لَهُمْ عَاقِبَةٌ فَإِنَّ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَلِي وَأَبَا مُسْلِمٍ هُمَا اللَّذَانِ قَتَلَا خَلْقًا كَثِيرًا وَكِلَاهُمَا قَتَلَهُ أَبُو جَعْفَرَ الْمَنْصُورِ وَأَمَّا أَهْلُ الْحَرَّةِ وابن الأشعث وابن الملهب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Et ça, c'est la fin de cette citation. Il dit que qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cela? C'est que soit ils vont prendre le dessus, ils vont réussir dans leur révolte, ou soit qu'ils vont être écrasés, hein, et qu'ils n'auront plus du tout de pouvoir. Et ça, c'est donc ils n'auront pas une bonne conclusion, une bonne fin. Et quand on regarde par exemple Abdullah ibn Ali ou bien Abba Muslim, hein, les deux parmi ceux qui ont tué beaucoup de gens à cause de leur révolte, hein, les deux ont été tués par Abu Ja'far al-Mansour. Et il dit, en ce qui concerne les gens de Al-Harra qui ont combattu contre Yazid et Ibn al-Ash'ath et Ibn al-Mulahhab et d'autres également, ils ont tous été écrasés. Et leurs compagnons ont été écrasés également. Donc ils n'ont ni établi la religion et ils n'ont rien gardé de la dunya non plus. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'ordonne pas quelque chose dans lequel il n'y a pas un bien qui est établi dans la religion et qui n'amène pas le bien de la religion ni le bien de la dunya. Hein? Donc ça, c'est tiré de Minhaj al-Sunnah, hein? Minhaj al-Sunnah, le volume 4, de la page 527 à 528. Le Cheikh dit, pour terminer donc cette partie, وهذا الذي أراده عبد الله بن عمر رضي الله عنه من تركه القتال في الفتنة ونهيه أهله ومن أطاعه الدخول فيها فتأمل هذا الموقف واعمل به تسلم كما سلم رضي الله عنه وأرضاه فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء وهذا يدلنا على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأمة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وأنهم إذا ماتوا أتى أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعد من الفتن وكذلك منهجهم أمان لمن تمسك به بعدهم فمن تمسك به سلم ومن تركه ضل ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh, il dit que ça c'est ce que Abdullah ibn Omar radiallahu anhu a voulu, hein, lorsqu'il a abandonné le combat dans les moments de fitna, c'est exactement ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné du fait de prendre qu'est-ce qui est bien et bénéfique et de délaisser qu'est-ce qui est néfaste et mauvais. Et c'est pour cette raison-là qu'il s'est écarté lui-même de la fitna et qu'il a interdit à sa famille et à ceux qui sont sous son commandement ou son ordre dans ses esclaves ou autres de rentrer dans ce genre de choses. Et il dit que si on médite bien sur cette position, hein, et qu'on applique cette position, eh bien on va être épargné nous-mêmes, hein, comme il a été épargné lui-même, radiallahu anhu, et que Allah soit satisfait de lui, hein, et que Allah le récompense pour l'islam et les musulmans, hein, de la meilleure récompense. Et donc ça, ça nous indique que les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, sont une sécurité pour la Ummah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans les premiers cours qu'on a fait, et ils sont, lorsqu'ils meurent, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'ils meurent, eh bien, ce qui a été annoncé à la Ummah, eh bien, ça arrive comme fitna, ce qui a été annoncé comme fitna à la Ummah se produit. Donc, ça c'est un exemple de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, il dit, et de même que celui qui s'accroche à au manhaj des sahaba, eh bien celui qui s'accroche donc à ce manhaj après les sahaba, eh bien il va être également épargné et sauvé lui-même, et celui qui abandonne leur méthodologie et leur manhaj, eh bien il s'égarera, hein, wala hawla wala quwwata illa billah. Donc ça c'est la position de Abdullah ibn Omar radiallahu anhu par rapport à la fitna, et c'est une position qui est basée sur le Coran et la Sunna, hein, qui est la position des imams des salaf al-salih, hein, tandis que peut-être que d'autres ont contredit cette position-là dans leur façon d'agir, et on a vu les conséquences de ça, hein, parce qu'ils ont contredit la position qui est basée sur le Coran et la Sunna. Donc ça c'est très important de retourner à la position qui est supportée par les preuves, et non pas uniquement de dire « Ah, mais il y a un d'entre les salafs qui a dit quelque chose ou fait quelque chose, et certains d'entre les gens de Bid'a vont essayer d'utiliser cette action ou cette parole comme justification pour quelque chose qu'ils veulent faire, alors que cette parole ou cette position qu'il a eue, c'est pas une position ou une parole qui est supportée par les preuves, parce qu'il a fait une erreur dans son ijtihad ou des choses de ce genre. » Donc on ne doit pas essayer d'utiliser ces erreurs-là comme des justifications. Il faut retourner au dalil. Il faut retourner au dalil et à la preuve. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Puis samedi prochain, Inch'Allah, on fera le cours sur la position de l'imam Ahmad vis-à-vis de la fitna. D'accord? Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et oui, et aussi je voulais mentionner que demain inshallah, demain à inshallah ce sera à 20h pour l'Europe, ici c'est 14h, on va faire la suite du livre de Kitab al-Tawhid al-Mulakhas fi Kitab al-Tawhid de Cheikh al-Fawzan inshallah. Donc barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je remercie encore une fois les frères du centre Al-Furqan à Bruxelles pour avoir suggéré donc de recommencer ces cours, et inshallah on espère que ce soit bénéfique et que Allah subhanahu wa ta'ala écrive ça dans la balance des hasanat du Cheikh Mohamed Al-Aqil et également des frères qui ont aidé à organiser donc cette rencontre, inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine, inshallah.